explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ? Mais croyez-moi que je vais plus regarder les paysages par le hublot. Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Comme tous les vendredis, Le Temps d'un bivouac ouvre son album de souvenirs. Aujourd'hui, nous vous proposons de partir sur les routes de France. Nous commencerons par l'une des plus mythiques d'entre elles, la Nationale 7, longue de près de 1000 km. Cette route qui relie la capitale à la mer Méditerranée a connu son heure de gloire dans les années 60, une époque où l'autoroute A7 n'existait pas et où descendre sur la côte était déjà une aventure en soi, deux jours de voyage et de nombreuses escales. Le dessinateur Thierry Dubois, auteur de C'était la Nationale 7 aux éditions Paquet, va nous emmener bivouaquer au bord de cette route qui est restée dans l'imaginaire collectif le symbole des vacances, de l'insouciance, du soleil et du bleu azuréen. Puis nous irons planter notre tente dans les campagnes françaises, près de lieux-dits au nom évocateur, la vie en Creuse, la mort dans le Doubs, la jouissance dans le Gers ou encore le bonheur dans le Gard. C'est avec l'écrivain voyageur Olivier Lemire que nous entreprendrons à pied et à vélo ce périple poétique. Mais tout de suite, on s'engage sur la Nationale 7. C'est très net, monsieur. Je ne me rappelle plus. Nationale 7. Mais jusqu'où elle va, la Nationale 7? Ça va pas à Lyon, après? C'est ça, hein? Jusqu'à Menton. Où tes vacances? Après, bah, alors, je ne sais plus, ma Marseille et hop, la mer et la Tunisie. Au bord d'une Nationale, faut s'attendre à tout, hein? C'est une route qui fait recette. La Nationale 7, elle s'arrête là, à la frontière, hein? Donc elle traverse la France, ouais. Moi, la Nationale 7, je la trouve top, quoi. On est heureux, Nationale 7. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. Nationale 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence. Qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Incontournable, la chanson de Charles Trenet, 1955 hein, pour la sortie de cette chanson, et elle a contribué à rendre célèbre cette route, Thierry Dubois. Elle a vraiment gravé le mythe de la Nationale 7 dans le marbre, hein, ouais. 55. Alors, elle l'a gravé, mais avec une petite erreur d'ailleurs, parce qu'en fait, Charles Trenet, il aurait dû l'appeler la Nationale 6. Dans la première partie, parce qu'il dit qu'il traverse la Bourgogne, la Provence. En fait, il y a deux routes qui vont de Paris à Lyon, la Nationale 6 qui traverse la Bourgogne et la Nationale 7, le Bourbonnais. Et bon, on a retenu surtout la Nationale 7 parce que c'est surtout après Lyon, quand on est dans les périodes, enfin le soleil et les vacances, c'est elle qui nous intéresse vraiment. Oui, parce que la Nationale 6 et la Nationale 7 se rejoignent à Lyon et après il ne reste plus que la Nationale 7 pour finir jusqu'à la Méditerranée. Mais au début, effectivement, il y a ces deux branches et finalement, même dans l'inconscient collectif, beaucoup de gens ont pris la Nationale 6 pensant être sur la 7. Oui, il y avait à peu près trois fois plus de gens qui prenaient la Nationale 6. D'ailleurs, aujourd'hui, l'autoroute, elle suit la Nationale 6, ouais. Hein, par Auxerre, Chalon-sur-Saône, et tout en ayant l'impression de prendre la Nationale 7. C'est pour ça qu'il y a toujours, on ne peut pas étudier les deux routes séparément. Elles sont vraiment liées par l'inconscient collectif. D'ailleurs, votre ouvrage, c'était la Nationale 7. En sous-titre, vous avez rajouté la route bleue, la Nationale 6, parce que finalement, elles sont indissociables. Voilà, c'est routes. La route des vacances pour la Méditerranée. Ouais. La 7, elle passe plus en fait vers le Massif central. Hein, et... En fait, la 7, elle descend vers Clermont-Ferrand et arrivée à Moulins, elle oblique vers Lyon. Je veux dire, ça date de la guerre de Cent Ans. Hein. Les Bourguignons étaient alliés des Anglais, donc la route de Bourgogne était fermée, donc il a fallu ouvrir une nouvelle route. C'est à ce moment-là que le tracé de la Nationale 7 est né. Alors, sans remonter si loin, pour le moment en tout cas, la chanson de Trenet, elle sort en 1955 et elle est vraiment représentative de cette époque, cette chanson où tout est à reconstruire. Ah ben, on est en plein dans les Trente Glorieuses. Le pays est en pleine croissance, il y a le plein emploi, c'est une période qui fait bien rêver aujourd'hui. aujourd'hui. Donc, c'est les congés payés, trois semaines. Trois semaines. Alors, les congés payés, ils sont nés en 1936, ouais. Mais à l'époque, les gens n'avaient pas de voiture. Et, oui. Et en fait, c'est deux voitures qui vont motoriser toute la France. C'est la petite 4 chevaux Renault qui sort en 1946 et la 2 chevaux Citroën en 1948 qui vont permettre à tout le monde de partir en vacances. C'est aussi ces deux voitures qui vont ouvrir les yeux au pouvoir public en se disant, je crois qu'il y a, vraiment un problème au niveau des routes, il va falloir créer des autoroutes. Quoi. Ouais, oui, c'est ça. Parce que en fait, tous ces embouteillages de la National 7, ils sont consécutifs au retard pris par le pays en équipement d'autoroutes. Ouais. Et à partir du moment où les autoroutes existeront, la National 7 elle va rentrer vraiment dans une période difficile. Ouais, mais on n'en est pas encore là. Route de 1000 km, un peu moins, mais presque 1000 km, et qui donnera d'ailleurs lieu à la création d'un jeu de société devenu un classique du genre aujourd'hui. Les 1000 bornes, oui, bien sûr. Ouais. C'est né de cette distance de 1000 km de Paris à Menton. On doit le 1000 bornes à la National 7. Oui, il est né en 1954, donc un an avant la chanson de Trenet. Ouais. Tellement célèbre cette National 7 qu'on la retrouve même au cinéma. Tiens, quelle bonne surprise. Alors, ça, bonjour messieurs. Bonjour. Fait chaud. T'as pas remarqué que c'est plein de touristes sur cette route? Un peu. Des milliardaires de l'étranger qui descendent de la Côte d'Azur. Les poches bourrées de devises. Et les devises, mon petit, la nation en a besoin. Beaucoup. Et alors? Comment veux-tu qu'ils aient confiance dans l'avenir d'un pays qui leur offre un spectacle aussi désolant que toi et ta casserole à roue? C'est une chose fragile. Tâche moyenne de déguerpir de cette route, hein. Et de prendre les départementales, c'est compris, ça? Oh! La National 7, mon petit, c'est les Champs-Élysées de la France. Bien dit, ça. La National 7, c'est les Champs-Élysées de la France. Ce film, Le Triporteur, est sorti en 1957. Hein, on reste dans la même décennie. C'était Pierre Mondy et Darry Cole qui étaient en train de s'embrouiller sur cette National 7. Les Champs-Élysées de la France, elle vous plaît, cette formule, Thierry Dubois? Ah bah c'est tout à fait ça, hein, parce que la National 7, elle traverse le pays de part en part. Et sur la National 7, on lit toute l'histoire de France. C'est 2000 ans d'histoire et 30 ans de légende. Ouais. Mais comme on part de la région parisienne et qu'on va jusqu'au sud, on traverse tout le pays. C'est vraiment les Champs-Élysées. Dans les années 50, elle avait tellement de succès qu'on a même voulu la prolonger, cette National 7. On voulait la faire aller jusqu'à la Hollande et la Belgique. Oui, c'était la Route Bleue. La Route Bleue, c'était une association interprofessionnelle de tous les spécialistes de la route, les hôtels, les garages, pour promouvoir le trajet par la Route Bleue. Alors, ça partait de Lyon, ça partait de Hollande. Et puis donc, on voulait même la faire continuer jusqu'à Rome. Et alors, semi de la route bleue, bon, c'est une expression qui existait avant, hein, ouais. Avant la création de l'association, mais bon, elle est tellement parlante, que ce soit le bleu de la mer ou de l'azur, ouais. C'est vraiment le surnom le plus joli de la National 7. Ouais. Alors, nous sommes, on l'a compris, au sommet de la gloire de cette route, hein, dans les années 60, mais en réalité, sous le bitume, il y a des pavés, il y a une histoire bien plus longue, Thierry Dubois. Le tracé de cette route emprunte des tronçons bien plus ancien, on peut remonter 2000 ans en arrière. Aux Romains, hein, les Romains, ils sont arrivés par la vallée du Rhône en montant la future National 7. Ouais. En plus, c'est très émouvant quand on prend la National 7 parce que le moindre village que vous traversez, vous dites tous les rois de France y sont passés, par exemple. Ils ont eu le même point de vue, la même perspective. Ouais. Il y a pas un événement, que ce soit les guerres de religion, les invasions barbares, l'arrivée des Romains, il y a pas un événement qui n'a pas impacté d'une façon ou d'une autre la National 7, la ligne de démarcation qui se trouve à côté de Moulins, plein de choses, tout. Tout est passé par la National 7. Il en reste des traces aujourd'hui de ces événements historiques? Elle est vraiment pleine d'histoires. Partout, vous avez des traces, que ce soit dans les maisons, sur le bord des routes, les ponts, la façon de passer, pourquoi on est passé à cet endroit-là et pas à cet endroit-là, pourquoi la route a changé, pourquoi elle était alignée. Mmh. Vous savez, les platanes, par exemple, ils ont été mis pour rafraîchir les équipages hippomobiles, donc pour donner de l'ombre aux chevaux et aux charrettes, mais ils ont été aussi plantés pour fixer la route là où elle était, pour qu'un tel ou tel seigneur ne décide pas de dire, tiens, je vais la faire passer par chez moi ou loin de chez moi. Mmh. C'était pour, en plus, asseoir le pouvoir central. Ouais. Alors, on l'entend, hein, vous semblez absolument incollable sur cette route que vous avez sillonnée en tous sens, hein, vous en connaissez les moindres recoins. Au départ, vous êtes dessinateur de bande dessinée, et c'est devenu cette nationale, c'est une vraie passion. Vous êtes l'un des grands spécialistes aujourd'hui en France de cette route. Ben, on n'est quand même pas beaucoup sur le créneau, mais oui, bon, oui, c'est oui. vrai que

Hein, il leur fallait 2 ou 3 heures en traversant tous les petits pays et tout pour monter à Paris. Le gars, le soir à 6 heures, il s'arrêtait, il prenait une chambre, il buvait son apéro, il mangeait, il allait se coucher. Le lendemain matin, il repartait tranquille pour faire ses 100 kilomètres. Est-ce que maintenant, bah, 100 kilomètres, ils avalent ça en 1 heure de temps, c'est parti, quoi. Je parle des routiers comme je dirais les touristes. Hein. Les touristes, ils s'arrêtaient le soir. Même les Parisiens, ils s'arrêtaient. Ils disaient, bon, on va passer la nuit là, on va pas rentrer à Paris soir, alors encore pour 3 heures. On s'arrête, on dort là. Quoi. C'est vrai qu'elle elle suscite un peu de nostalgie, hein, Thierry Dubois, cette National 7, en tout cas pour ceux qui l'ont connue dans sa splendeur. Là, on est dans le relais des 100 bornes. C'était dans un documentaire de France Culture, Lieu de mémoire, en 1996. Je crois que depuis, il a fermé d'ailleurs le relais. Il a même totalement disparu puisqu'il a été démoli pour être remplacé par une grande surface. Mais c'est vrai que c'est très émouvant d'entendre ça. Et c'est bien d'avoir collecté ce genre de témoignages à l'époque parce que les 100 bornes, c'était une institution. Alors expliquez-nous, parce que quand on n'est pas de cette époque ou quand on ne connaît pas bien les lieux, on a du mal à comprendre pourquoi c'est une institution. Parce que c'était un restaurant routier déjà, donc où les camions pouvaient s'arrêter. On parle de la National 7 des vacances, mais toute l'année c'était des camions qui montaient des primeurs sur la capitale, hein, donc du vin, tout pour les halles, pour tout ça. Donc beaucoup s'arrêtaient aux 100 bornes parce que c'était le dernier endroit où on pouvait un peu souffler, garer son camion avant de s'attaquer, à Paris. Où là on pouvait plus s'arrêter. Quoi. Mmh. Alors nous on la descend parce qu'on part en vacances, donc on part de Paris, donc les 100 bornes, on est sur le tout début du départ, on est sur le début du parcours. Faisons le premier tronçon. Celui qui est divisé en deux finalement avec la Nationale 6 et la Nationale 7 qui se rejoignent à Lyon. C'est quoi les premières grandes étapes qui nous emmènent sur cette Nationale 7? Alors bon, quand on sort de Paris, c'est quand même la banlieue parisienne, c'est pas la partie la plus glamour. Hein. C'est plus la circulation locale qu'autre chose. Ça va être Montargis, la première étape où là on est vraiment sorti de l'Île-de-France. On est dans le Gâtinais, bon il y a le relais du miel qui était aussi la grande spécialité du coin. Puis on arrivait à Briare après. Où là on rejoint la Loire. On dit toujours que le climat change dès qu'on atteint la Loire. Bon, on la passera à Nevers, mais Briare c'est déjà une étape sympathique parce que vous avez en plein milieu de la France un port de plaisance. C'est ça qui est amusant. Donc on est déjà un petit peu en vacances. C'est ça, on prenait le temps de voyager, mais finalement c'était des vacances dans les vacances, c'est cette transhumance de 2 jours pour aller jusqu'à la mer. Je dirais que prendre la National 7, c'est prendre son temps déjà. Ouais, c'est de vouloir en profiter au maximum. Et c'est vrai que le voyage, c'est déjà les vacances. Ouais. Alors par exemple, vous avez un petit village, Meffe-sur-Loire, juste entre Pouilly et Nevers, vous sortez par la route d'Antibes. Déjà, rien que le nom d'Antibes, alors que vous êtes à 200 km de Paris, c'est fabuleux. Ouais. Et puis tout au long de ce parcours, les relais qui sont là régulièrement, on était tout à l'heure au relais des 100 bornes, nous voilà déjà arrivé au relais des 200 bornes. Même la petite clochette pour nous accueillir est ici au relais des 200 bornes et on est là dans un décor quand même typique esprit National 7. Voilà, et puis il y a le bar en formica, il y a ici une réplique d'une vieille... Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est la station, c'est quelqu'un qui vient chercher de l'essence. Comme dans l'ancien temps, d'ailleurs. Ah ben voilà, en roulant sur un fil. Exactement. Hein? Vous fermez 3 jours par an, c'est ça? À peu près, mais quand on aime, on ne compte pas. Non, c'est des pâtes fraîches. Vous m'excuserez, il faut que j'aille faire à manger. Ah oui, oui, oui. Attends, on va s'installer, nous aussi. Il faudra peut-être y aller aussi. C'est une ambiance que vous appréciez, hein, Thierry Dubois. Évidemment. D'ailleurs, vous y étiez avec cette journaliste là dans le son qu'on vient d'entendre. Il ressemble à quoi ce relais des 200 bornes? Les 200 bornes, alors c'est marrant parce que vous avez une station-service, un bar, un hôtel, un restaurant. Donc c'est vraiment à la façon des truck stops américains, une étape complète. Ouais. Lui, il existe encore pour le coup. Ah oui, tout à fait. Et puis bon, il joue un petit peu la carte vintage, donc c'est ça qui est sympa. Donc tout le monde s'y arrête. Et puis en plus, il est quand même à une distance intéressante, 200 km à l'époque pour les vieilles voitures. Quand vous quittiez Paris le matin, vous arriviez à 200 km à midi. Donc, c'était l'heure de manger et de faire le plein de la voiture. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on trouve une grosse concentration de restaurants entre 200 et 300 km de Paris. Ouais. Grosse concentration de restaurants. Il y avait aussi des pompes à essence régulièrement parce qu'en fait, les voitures consommaient plus et roulaient moins vite. Enfin, c'était une autre époque. Elles avaient en plus, ce qui est assez paradoxal, des petits réservoirs parce que l'essence était chère. Ouais. Donc, on avait des petits réservoirs. Donc, c'est vrai qu'on s'arrêtait tous les 250-300 km. Ouais. Alors, si on poursuit sur cette route. Hein, donc on dépasse Nevers, on arrive à Moulins et avant Roanne. Alors là, il y a un endroit qui a d'ailleurs donné lieu à la fameuse, aux fameuses La Palissade, hein, La Palisse. Oui. Alors expliquez-nous, il est particulier cet endroit. Alors La Palisse, bon, ce qui est, c'est une petite ville qui donc se trouve pile à 350 km au sud de Paris, parce que c'est vrai qu'on connaît de nom, mais on ne sait jamais où c'est. Ouais. Et alors ce qui est amusant, c'est que donc le comte de Chabannes, monsieur de La Palisse, le fameux, mort à la bataille de Pavie, a malgré lui donné naissance aux La Palissade. Hein, on raconte que ces soldats qui ramenaient son corps chantaient un quart d'heure avant sa mort. Il faisait encore en vie et que ça s'était transformé en... Il était encore en vie, donc la première des La Palissade. Et alors ce qui est surtout amusant, c'est qu'aujourd'hui, le maire de La Palisse, c'est le comte de Chabannes, 24e du nom. La ville, ce qui a vraiment joué la carte de la National 7, puisque tous les deux ans, ils organisent un énorme embouteillage qui reconstitue la circulation des années 60. Alors ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que à l'époque, c'était la zone était régulièrement embouteillée au moment des grands départs en vacances. Pourquoi particulièrement des embouteillages à cet endroit-là? Bon, bah déjà, dès que vous avez une ville, ça ralentit forcément. Ouais. En plus, la route, elle tourne à angle droit dans la ville et il y a une autre route qui arrive. Donc forcément, à partir du moment où vous avez toutes ces caractéristiques, vous créez un embouteillage au moment du départ en vacances. Mais on imagine les désagréments que ça a dû être pour ceux qui passaient par là à cette époque et ceux qui habitaient aux alentours. Qu'est-ce qu'ils auraient dit si on leur avait dit que 70 ans plus tard, on s'amuserait à reconstituer les embouteillages d'époque avec des voitures anciennes? C'est ce qu'on fait tous les deux ans actuellement. Oui, alors en fait, la nostalgie, je vous dirais, c'est le passé, c'est le bon côté du passé. Oui. On garde que le bon. Alors c'est vrai que c'était convivial et tout. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'était infernal. Je peux vous dire, La Palisse a été déviée qu'en 2006. Et c'est à l'occasion de la déviation qu'on a créé ce dernier embouteillage qui s'est avéré avoir du succès. C'est pour ça qu'on le recrée. Aujourd'hui, où les voitures sont très fermées, on la clim, etc. À l'époque, les voitures étaient beaucoup plus ouvertes. On se parlait d'une voiture à l'autre. On parlait aux gens sur le côté de la route. On sentait les senteurs, là. Tout à l'heure, on était aux 200 bornes. Bon, ben, c'est toutes les vignes de Pouilly, Sancerre. Donc, on va avoir des odeurs qu'on n'a plus aujourd'hui où les voitures sont complètement hermétiques. Peut-être que dans 50 ans, on reconstituera des métros bondés pour refaire revivre la nostalgie aux Parisiens. Il n'y a pas besoin de les reconstituer. Dans 50 ans, quand ils ne le seront plus, on peut rêver. En tout cas, les voitures que l'on croisait à l'époque, là aussi, ça évoque beaucoup de choses et régulièrement des rallyes sont organisés avec des voitures de l'époque. Alors ici, on a par exemple une Peugeot 404 qui était quand même la berline routière par excellence et son alter ego chez Citroën, la DS, derrière un cabriolet. Une traction qu'on aperçoit qui était quand même encore présente dans les années 60. Alors il est évident qu'on ne peut pas concevoir la route des années 60 sans avoir des deux chevaux, hein, ça, parce qu'elles étaient omniprésentes. Une M6 Citroën qui a un design vraiment particulier, bon, qui est assez amusant. Et il y avait l'équivalent chez Ford, puisqu'il y avait Petite Anglia, une voiture qui a été popularisée par les films d'Harry Potter, à côté d'une 4 chevaux Renault, qui est aussi un grand standard pour la route. Un rallye à Saulieu, nous étions le 14 mai 2014, le reportage est de France 3. Vous participez à ce genre de rallye et vous y étiez à celui-là. Oui, et puis j'en organise aussi parce que c'est vrai que de prendre la National 7 avec une vieille voiture, c'est remonter dans le temps. Et puis alors il n'y a pas besoin d'une voiture sportive ou coûteuse ou quoi que ce soit, une 4 chevaux, une 2 chevaux et vous y êtes. C'est vrai que c'est le bonheur. Alors quelles étaient les voitures? On en a cité quelques-unes. Vous en avez aussi. Quelles étaient les voitures de l'époque alors? Ben c'est ce qu'on a entendu. Il y avait les Citroën Traction DS et 2 chevaux qui sont les plus connus, les Renault, les petites 4 chevaux, les grosses frégates ou les Dauphines, les Simca à ronde qui ont une marque qui a disparu aujourd'hui mais qui était très très populaire, les Panhard avec un bicylindre qui avait un bruit particulier. Alors on vient et puis les Peugeot qui étaient les, je dirais, les plus robustes. On arrive dans un discours de spécialiste que tout le monde ne suivra pas, moi le premier, mais en tout cas ces voitures, alors vous le dites, je ne sais pas si vous voyez ça avec votre œil de spécialiste et de passionné de voiture, mais vous dites que c'était aussi un peu le salon de l'automobile, ces départs en vacances, parce que on venait aussi voir les nouvelles voitures passer sur cette nationale. Dans tous les villages, les enfants, au moment des vacances, ils s'installaient au bord de la route et c'était le salon de l'auto. Toutes les nouveautés de l'année allaient passer à un moment ou à un autre. Le bonus, c'était quand il y avait une personnalité dedans, parce que les gens voyageaient quand même en voiture à l'époque, même les stars de l'époque. Ouais. Alors c'est évidemment tout un budget, tout un business plutôt, cette nationale, c'est-à-dire que tout au long de la route, on construit des hôtels. Enfin, ça génère évidemment énormément d'argent. Oui, et puis en plus, on voulait à l'époque faire une route à l'américaine. C'est ça qui est amusant. C'est qu'on a vu naître des motels, manger des hamburgers, des choses qui étaient nouvelles dans les années 50 parce qu'on voulait faire d'une route à l'américaine. Moi, ça me fait rire. C'est pour ça que quand je vois des fast-food américains au bord des routes, ça ne me gêne pas parce que c'était ce qu'on voulait faire dans les années 50. Mmh. Et il y a même une église qui a été construite pour les voyageurs, Notre-Dame de la Route, sur cette route nationale. Donc c'est plutôt une petite chapelle. Ouais. Et alors donc elle a des vitraux qui représentent le ruban bleu de la route bleue avec tous les blasons des villes traversées. Ouais. Et c'est surtout que pour beaucoup de villes, il fallait faire quelque chose. Ils voyaient passer 20, 30 000 voitures par jour à l'époque des vacances. Et ils disaient, il faut qu'ils s'arrêtent. À partir du moment où ils s'arrêtent, bon, ils vont consommer, ils vont acheter, ils vont boire un coup. C'est bien pour la commune. Donc, partout, on va essayer de créer des endroits pour que les voitures puissent s'arrêter. Ouais, voilà. Ouais, c'est très intéressé, finalement. Allez, on arrive à Lyon. On a déjà fait la moitié du chemin. On va beaucoup plus vite qu'à l'époque, parce que là, il fallait à peu près quoi? Une journée pour faire Paris-Lyon, normalement? Ouais, disons que les gens cherchaient à dépasser Lyon la première journée. Ouais. Pour que le plus dur soit fait, et puis qu'après comme la meilleure partie c'était la seconde, donc le but c'était d'arriver à Vienne ou Valence dès la première journée. Vous en avez un souvenir, vous, enfant, de cette vous n'êtes pas assez âgé pour avoir connu l'âge si, de... je l'ai connu quand j'étais petit, mais je vous avouerai que les souvenirs que j'en ai, c'est les mêmes que les enfants d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fait chaud, il faisait chaud et on était pressés d'arriver. J'avais pas vraiment la notion de la poésie de la route à l'époque. Ouais. C'est venu plus tard finalement, cette envie de la faire le plus lentement. Mon père était ingénieur, nous a beaucoup sensibilisés à l'époque sur les travaux routiers. On faisait des petits détours, d'aller voir des ponts, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est resté quelque part. Et aujourd'hui encore, c'est resté pour aller voir ces évolutions de la route, de tout ça. Ça m'intéressait déjà à l'époque. Oui, allez, on est arrivé à Lyon, l'endroit où se rejoignent la Nationale 6 et la Nationale 7. La mer n'est plus très loin. Maintenant, encore un peu de patience. On y arrive dans un instant avec notre invité Thierry Dubois. Mariée par Film Noir sur France Inter. Depuis ce matin, par la Nationale 7, des milliers de vacanciers arrivent dans le Midi. Et c'est ensuite le départ pour la côte. Un départ quelquefois trop rapide, qui amène toujours l'imprudence, vous le voyez, et souvent l'accident. Pensez-y, ce premier jour de vacances ne doit pas être le dernier, n'est-ce pas? Alors plus que jamais, prudence. Que vous importe une minute de gagner, vous arriverez toujours à temps. Sur les centaines de kilomètres de côte, vous trouverez votre coin. Nous pouvons vous assurer ce soir que toutes les places ne sont pas prises. Et vous passerez alors les vacances que nous vous souhaitons ce soir, longues et heureuses. Nous sommes toujours pour ce voyage dans le temps et sur la Nationale 7 avec Thierry Dubois, auteur de C'était la Nationale 7 aux éditions Paquet. On est plus loin de cette promesse de vacances que l'on vient de nous faire et que l'on vient d'entendre. On évoquait aussi un peu la mise en garde des conducteurs déjà à l'époque des accidents. Est-ce qu'il y avait plus d'accidents sur cette Nationale 7 que sur les autoroutes actuelles? Oui, bien sûr, hein, parce que les voitures n'étaient pas du tout au niveau de sécurité d'aujourd'hui. Les routes non plus, elles avaient subi la guerre et tout. Et puis, il y avait une notion particulière, c'est que les gens, beaucoup de gens de ces générations-là avaient connu les deux guerres. Et donc, la mort avait pas été, c'était presque partie du quotidien. Donc, c'était plus une fatalité, alors qu'aujourd'hui, l'accident, c'est une révolte. Mmh. Pourtant, elle roulait beaucoup moins vite, hein, quand même. Elle roulait moins vite, mais elle était quand même beaucoup plus dangereuse, faut le reconnaître. Ouais. Alors, on en est à Lyon, hein. On est parti de Paris, on a avancé, on est arrivé à Lyon, là où la Nationale 6 et la Nationale 7 se rejoignent pour n'être plus que la Nationale 7. C'est quoi le début du parcours, là, pour reprendre la route? C'était les banlieues sud de Lyon qui étaient pas très joyeuses, ouais. Mais c'est vraiment Vienne, voilà, où on était reparti sur la route. Mmh. Et puis on va arriver à ce 45e parallèle. Oui, alors le 45e parallèle, oui, c'est très symbolique puisqu'on est vraiment à égale distance du pôle Nord et de l'Équateur, et donc c'est la frontière officielle du Midi. Mmh. Et donc la petite commune de Pont de l'Isère, qui se trouvait donc à 5 km au nord de Valence, s'était dit, pareil, comme pour la chapelle Notre-Dame de la Route, il faut trouver un moyen d'arrêter les gens, et donc ils ont fait un monument avec un sculpteur local, hein, de Luol, qui représente une grâce vue des deux côtés et donc qui symbolise, qui est traversée par le 45e parallèle. Et donc si vous regardez ce petit monument qui est au bord de la N7, vous verrez qu'elle est quand même beaucoup plus dénudée côté sud que côté nord. Ah oui, oui. Alors on continue, on arrive jusqu'à Valence. Un petit aperçu du paysage à partir de Valence. Nous sommes sur la Nationale 7 à Valence. Le soleil est devenu plus dru. La chaleur tombe, s'installe. Malgré les courants d'air. Un verger d'arbres fruitiers, dépêchés sans doute. Un Belge en panne sur la route. Les cyprès sont là, en rang serré contre le Mistral, ou par trois, autour d'un toit de tuiles romaines. Pépinières, jardineries, primeurs, et une vieille pub Valentine peinture sur un pignon. À Livron, des melons de Cavaillon en vente sur le trottoir, sous le soleil. Le café du commerce, sous un platane géant, ouvert comme un chandelier. Encore un convoi exceptionnel, juste à l'entrée de l'Oriol. Pêche, brugnon, nougat. Montélimar n'est pas loin. Colline de maquis, fouillis d'arbres et de buissons et de chênes verts. Direction, la Palue. Thierry Dubois, ça vous évoque des choses, tout ça. Ah bah là, on y est. Y a rien à ajouter. C'était tout à fait l'ambiance de la 7 au sud de Valence. Ouais, on y était. C'était lieu de mémoire. France Culture 1996. On pousse. On arrive à Orange. Alors là, on s'attarde un petit peu. Il y a son arc de triomphe érigé vers le 1er siècle. On le disait, cette route, elle est chargée d'histoire. Hein. Elle ne date pas des années 60. C'était un lieu de retraite pour la 8e Légion. Donc, ils ont élevé cet arc de triomphe qui est le monument, je dirais, le plus célèbre et le plus connu de la Nationale 7. Puisqu'elle en fait le tour, puis en plus la visite est gratuite. Et puis ensuite, d'ailleurs, non loin d'Orange, il y a un musée. C'est juste avant. 5 km avant. Ah ouais, j'ai raté la sortie, il faut que je fasse demi-tour pour aller voir ce musée à Piolenc. Oui, à Piolenc, qui était la capitale de l'Aille et qui devient la capitale de la Nationale 7, puisqu'il y a le musée mémoire de la Nationale 7. En fait, c'est né de toute une génération qui avait connu l'âge d'or de la Nationale 7 et qui a essayé d'en retracer le rythme et tous les objets qui s'y rapportent, que ce soit, bon, il y a les bornes, les choses comme ça, mais tous les fabriques de balais, puisqu'à l'époque, on fabriquait beaucoup de balais dans la région et on en vendait sur le bord des routes. Mm-hmm. Tout un tas de symboles et d'objets des années 50-60, des caravanes, des voitures, des vélos, des mobilettes, des tables de café. Et donc on se replonge dans l'ambiance de la Nationale 7 de la grande époque. Mais pourquoi ce musée a été érigé là? Finalement, la Nationale 7, elle n'est pas plus là qu'ailleurs? Ah ben, il y avait un monsieur, Henri Glaise, qui s'était pris de passion pour justement cette époque et ce côté vintage avant l'heure. Mmh. Et donc, il a rassemblé autour de lui tout un tas de gens. Et c'est donc, maintenant, on est à la troisième génération, je dirais, de ce musée, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est là parce qu'on est vraiment dans le midi, hein. Vous avez le soleil, les cigales, vous avez tout, là, mmh. Piolenc. Après, on arrive à Avignon. Et puis, on passe par, tiens, arrêtons-nous au massif de l'Esterel. Alors là, c'est un passage assez éprouvant qui vous a marqué, je crois, dans votre jeunesse. Ben, c'est-à-dire que l'Esterel, alors avant l'Esterel, il y a tout le Var à traverser avec ouais. tout un tas de petits villages où même parfois la route ne fait pas plus de 4 mètres de large. Hein. Donc on a l'impression d'être arrivé, mais le bout de la route était encore loin. Ouais. Et l'Esterel, c'est la dernière difficulté, c'est qu'on a 32 km entre Fréjus et Mandelieu. Il y a 170 virages, ça monte à plus de 500 mètres d'altitude. Donc alors qu'on croyait être arrivé, on se retrouvait quasiment sur une route de montagne avec des camions, des caravanes, de tout. C'est-à-dire pas un hasard si ça a été la première portion de la National 7 qui a été doublée par une autoroute en 1960. Oui, voilà. Et ça, c'était un peu la torture de pas passer la, par pas là. Pas la torture, mais la dernière difficulté. Mais ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on peut y aller. Il n'y a plus personne. Ouais. Et prendre l'Esterel aujourd'hui, c'est un vrai bonheur. D'aller pique-niquer au bord de la route dans l'Esterel, moi, c'est simple, c'est mon endroit favori. Après Cannes, la Côte d'Azur. Alors, on ne quitte plus la Côte d'Azur. Bah, hein. Elle se perd un petit peu, justement, dans les villes. Cannes, Antibes, Nice et tout. Et puis, la dernière chose, c'est la Grande Corniche, qui est une des plus belles routes de France et mmh. qui est donc la National 7 empruntait la Grande Corniche et elle monte là assez haut puisqu'on aperçoit la Corse et c'est vraiment magnifique. Mmh. Alors la mer se fait attendre jusqu'au dernier moment hein, sur cette route de 1000 oui, km. Oui, c'est vraiment après l'Esterel qu'on va ouais. tomber dessus presque sans s'y attendre. Ouais. Allez, on y est presque, un petit effort, on va atteindre la mer. On la sent la mer, elle arrive bientôt, est-ce qu'on va la voir bientôt? Ça va pas tarder. Des gens qui reviennent de la plage. Ah, on la sent, on oui, la sent. Elle, hein. Elle est pas loin. Des magasins qui vendent des paréos, des maillots de bain. Vraiment, petit à petit, on se rapproche. Hein. Elle est au bout de la ligne droite, là-bas. Mais... Ça, c'est vicieux, quand même. Hein. 2 jours de voyage, Paris, la mer, et on ne la voit que quand on a le nez dessus. Voilà, jeune homme en maillot de bain. Dernier rond-point. La voilà. La Grande Bleue. Ça fait toujours son effet, hein, surtout après 24 heures de voyage. Et je vois sur le visage de mon invité Thierry Paco le sourire au moment où on dit « la voilà ». Vous avez l'image certainement qui vous vient en tête. C'était un extrait de « Au détour du monde » sur France Culture en 2008. Vous étiez à bord de cette voiture, donc ça vous remémore un peut-être. Un bon souvenir, oui, c'était super. C'était super, ouais. 2 jours pour descendre avec cette journaliste jusqu'à la mer. La Grande Bleue. Ouais. On imagine qu'à l'époque, dans les années 60, quand on avait fait ces 2 jours de trajet, mais quelle délivrance quand on arrivait enfin et qu'on voyait la mer. Ah ben surtout que le premier réflexe des enfants, c'était déjà d'aller tremper les pieds dans la mer. Hein. C'est vrai qu'on sautait de la voiture et d'aller mettre les pieds dans la mer, la fraîcheur de l'eau, tout, c'était le bonheur. Mmh. Puis c'était le début des vacances. Alors j'imagine qu'on a rappelé quelques souvenirs à nos auditeurs, j'espère. ceux qui ont connu cette époque. Mais est-ce que pour autant, aujourd'hui, on conseille de la prendre, cette route? Est-ce qu'on peut encore la prendre? D'ailleurs, la Nationale 7 en tant que telle, hein, est-ce qu'elle existe encore? Alors elle a été débaptisée sur plusieurs tronçons. Hein. Elle a été déclassée en départementale, ce qui est un peu dommage. Je dirais simplement que ce déclassement qui a eu lieu en 2006 a eu un effet contraire, c'est-à-dire qu'il a éveillé l'intérêt patrimonial de beaucoup de communes ouais. de la Nationale 7. Tant qu'elle était là, elle était intangible. À partir du moment où on a voulu la supprimer, il y a eu un réveil en disant « Mais attendez, la Nationale 7, c'est notre passé, c'est notre histoire. Ouais. » Et là, on s'est intéressé de nouveau à la Nationale 7 et depuis 2006, il y a vraiment une renaissance. Il y a de plus en plus de tourisme. Hein. Vous demandez aux hôtels, ils disent « Ah oui, il y a de plus en plus de gens qui font, entre guillemets, la Nationale 7, à moto, en voiture, en vieille voiture. » Il y a un intérêt nouveau, une sorte de ce qu'on appelle maintenant du slow tourisme, de balade, justement, de la Nationale 7. Et vous avez, en plus, 1000 kilomètres où il y a du patrimoine partout. Hein. Ouais. Vous pouvez même passer 3 semaines dessus, vous ne verrez pas tout. Oui, c'est ça. Ça peut être des vacances en soi de descendre cette route. Finalement, la transition, le moment où cette route, on a parlé beaucoup des années 60, où elle était au sommet de sa célébrité de son intérêt. Après arrive l'autoroute. Dès que l'autoroute a été mise en service, alors progressivement au cours des années 60, en 70, elle est complètement en service. Là, la National 7, elle va rentrer dans une espèce de léthargie de 30 ans, oui. Où malheureusement tous les garages, les hôtels, tout ça ferme, beaucoup d'établissements ferment. Oui. Elle s'endort doucement, elle se cantonne au trafic local. Cette transition, ça a dû être assez, pour les professionnels du tourisme, ça a dû être assez douloureux. Hein. Vous dites, par exemple, un exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres, il y a dû avoir des cas comme ça tout au long de la route, pour les nougatiers de Montélimar, par laquelle passe la Nationale, ils verront leur chiffre d'affaires chuter de 90%. C'était le jour où on a ouvert l'autoroute, hein. Vous savez, ils ne s'étaient pas préparés. D'un coup, du jour au lendemain, il n'y a plus une voiture qui traverse Montélimar. Ouais. Les embouteillages de Montélimar, il faut voir qu'il fallait des fois 3 heures pour traverser la ville. Hein. 3 heures, c'est aujourd'hui, quand on parle autoroute, vous faites Lyon, Orange, quand il y a beaucoup d'embouteillages. Alors, vous voyez. Et donc, du jour au lendemain, plus un seul passage. Bon, ils se sont rattrapés depuis, ils se sont organisés différemment. Ils ont ouvert une station sur l'autoroute, tout ça. Oui. Mais... Donc, ça a vraiment forcé les professionnels du tourisme et tous ceux qui s'étaient organisés le long de cette route à revoir complètement la façon de recevoir les gens et de les attirer. Maintenant, il ne s'agit plus de les voir passer, il faut les attirer. Vous l'empruntez encore, cette route, même si on l'a compris, elle ne s'appelle plus la Nationale 7, en tout cas certains tronçons ont gardé le nom, mais la plupart ont disparu. Mais vous qui connaissez par cœur les lieux, vous savez exactement par où passer pour refaire ce qu'on appelait la Nationale 7. Oui, oui. Je l'emprunte, je dirais, 5-6 fois par an encore, parce que ça change tout le temps. Et ça me permet d'être toujours au courant de ce qui se passe. Et puis, je veux dire, j'ai maintenant tellement d'amis au long de la route que je m'arrête partout. C'est toujours le bonheur. Vous êtes un vrai mordu de cette Nationale. Oui, puis je vous dis, il y a des gens que je connais depuis 20 ans maintenant au bord de la route. Hein. Ouais. Merci Thierry Dubois de nous avoir fait partager votre passion pour cette Nationale 7. Je rappelle qu'il y a ce musée qu'on peut visiter de la Nationale 7 à Piolenc, non loin d'Orange, mais il faut s'arrêter avant Orange, sinon on a dépassé. Il y a une grosse borne sur le toit, hein. Il est facile à retrouver. Bon ben voilà, on peut pas le louper. Et puis évidemment, il y a votre livre aussi, C'était la Nationale 7, aux éditions Paquet, c'est signé Thierry Dubois. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Et dans un instant, on retrouve l'écrivain voyageur Olivier Lemire pour une marche poétique dans les campagnes françaises. Brother, where have you gone? So you're serious, you have become playing martyr and executioner in the name of your absent father, or so you claim. Brother, what have you done? Take a knife and shooting at your sons. Why so threatened by the trivial? Why so cold and literal? Or so it seems. 'Cause we need fiction. Yes, we need hope. Give us time. Cause we need song. Oh, give us dance. We need love and innocence. Brother, against whom these walls? Don't you know that all that rises shall fall? And no bricks shall ever dissuade. See us climb above the barricades once again. Hey sister, where are we heading? We're lonelier than ever, just look at us trying. This competition is insane. We're all convinced we're losing the game, or so we're told. Yes, we need hope. Give us times and mystery. 'Cause we need song. Oh, give us times. We need love and innocence. 'Cause we need fiction. Yes, we need hope. Give us times and mystery. 'Cause we need song. Oh, give us times. We need love and innocence. guess we need hope. Give us tales and mystery, 'cause we need soul. Yes, give us tales. We need love and innocence. C'était Loudoyon avec Brother sur France Inter dans le temps d'un bivouac dont la programmation musicale est signée Djoubaka. De là où je vous parle, de ce studio de la Maison de la Radio, je suis à 345,7 km du bout du monde. Le bout du monde, c'est dans l'Allier, près de Saint-Léon. C'est un lieu-dit. À vrai dire, il y a des dizaines de lieux-dits qui portent ce nom en France. Des dizaines de bouts du monde et des milliers d'autres lieux dont le nom à lui seul est tout un voyage. La vie en Creuse, la jouissance dans le Gers ou encore le bonheur dans le Gard. Olivier Lemire, écrivain voyageur, a décidé de faire de ces endroits, au nom évocateur, les étapes d'un long et lent voyage, à pied et à vélo. Un périple qu'il raconte dans un joli livre intitulé « Le bout du monde France » aux éditions Le Passeur. Nous l'avions reçu en 2015. Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Hein ? Oui. L'idéal, c'est de respirer par le nez, hein, et de synchroniser votre respiration sur vos pas. Et si vous voulez augmenter votre vitesse, eh ben vous n'avez qu'à allonger le pas. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi. On est ici pour profiter de la nature. D'accord ? Les bons conseils de Benoît Poulvorde pour dérouler la plante de pied dans le film Les Randonneurs. Vous avez réussi rapidement à trouver votre rythme, vous, Olivier Lemire, sur les chemins de France ? C'est le rythme obligé du marcheur, 4 km/h. Un petit peu moins quand on est fatigué ou chargé, un petit peu plus quand on est en pleine forme. Ça fait combien, quelle distance que vous parcouriez par jour comme ça ? Rien d'exceptionnel, je suis pas un sportif. Ce sont des distances que n'importe qui peut faire. Je marche 20, 25, 30, 35 kilomètres. Ça dépend beaucoup de la nature du terrain. Ça dépend beaucoup de l'énergie que vous avez et de la météo, enfin des trucs que vous maîtrisez pas forcément. Ouais. Et le but n'était pas forcément de faire un exploit sportif, hein, c'était vraiment d'aller, de vous laisser un peu porter. Hein. Le but n'est pas du tout de faire un exploit sportif, j'en suis complètement incapable. le but, c'est plutôt de faire des voyages qui ont du sens, voilà. Alors vous avez cette jolie idée de voyager en prenant pour point des lieux dits que l'on connaît pas, mais dont le nom tout de suite évoque des choses, hein, immédiatement. Comment elle est venue cette idée des lieux dits ? Moi, je m'intéresse beaucoup à ce que la géographie nous apprend sur notre présence au monde. Et donc, à partir du moment où vous êtes un être humain, vous êtes en marche. Et si vous êtes en marche, vous êtes quelque part entre votre naissance, entre la vie et puis entre la mort. Et c'est pour ça que mon premier voyage, je l'ai fait entre la vie et la mort. Mais c'était pas un gag, ouais. C'était vraiment... La vie existe bien. Je l'ai rencontré. Il y en a plusieurs. Ouais. À l'époque, je croyais qu'il n'y en avait qu'une seule. Mais donc la vie que j'avais choisie, c'était dans la Creuse. Mais depuis, j'ai même découvert une rivière qui s'appelle la vie. Et la mort, ça se trouve... dans le Doubs ? Oui, dans le Doubs, à côté de Consolation. Ouais. Voilà. Et alors, vous les trouvez comment ces noms ? Vous regardez des cartes, c'est par Internet ? Il y a des sites où on répertorie comme ça tous ces noms un peu amusants ? Disons que les sites ne sont pas là pour ça. Ouais. Le site de Géoportail, pour ne pas le citer, n'est pas forcément là pour trouver tel ou tel lieu-dit. Mais il se trouve que si vous tapez, je ne sais pas, dites-moi un mot qui vous tient à cœur. J'en connais, hein. L'inquiétude, on la trouve. La croissance, la jouissance, la confiance. Voilà. On trouve aussi toi et moi. Oui, à la limite du Maine-et-Loire et de la Sarthe. Donc il y a des tas d'endroits comme ça qui ont des noms extraordinaires. Alors souvent, si vous n'êtes pas là-dedans, vous passez en voiture, vous dites « Ah tiens, c'est marrant, toi et moi, voilà, ça va pas plus loin que ça ». Vous pouvez aussi en faire le thème d'un voyage. Mmh. Aujourd'hui, chacun de ces lieux évoque quelque chose pour vous. Dès qu'on mentionne ces noms, vous revoyez des visages, vous revoyez paysages ? Ah oui, tout de suite, je vois des visages. Mais également, je suis très troublé par la cohabitation, puisque je suis photographe aussi, des gens avec le panneau. Aller photographier les habitants de l'inquiétude, de la confiance, de la mort, de la beauté, de la jouissance, c'est pas rien. Et quand vous mettez les gens à côté du panneau, moi, ça me fait quelque chose. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on voyage différemment selon la toponymie des lieux vers lesquels on se dirige ? C'est-à-dire que lorsque vous marchez de la vie vers la mort, lorsque vous êtes sur le chemin de la croissance, est-ce que l'état d'esprit est un peu imprégné de ces destinations vers lesquelles vous vous rendez ? Complètement. Quand je me suis mis en route vers ces croissances, en réalité, c'est dans l'Allier, Il se trouve que j'ai rencontré beaucoup de personnes en difficulté sur ce chemin vers croissance, beaucoup d'agriculteurs en difficulté, de gens au chômage, etc. Et du coup, bah, à force, bah, je me suis mis à réfléchir à qu'est-ce que c'était que la croissance. Et finalement, j'avais pas trouvé la décroissance sur Internet, donc j'avais pas pu faire le lien entre la décroissance et la croissance. Donc automatiquement, la question économique est arrivée dans ma tête assez rapidement sur cet itinéraire-là. C'est un grand jour. En effet, aujourd'hui, pour la première fois, je suis heureux de vous montrer mon cul à la télévision. Nous voici dans la mairie de Moncul, où monsieur le maire, accompagné de ses adjoints et de ses conseillers municipaux, a bien voulu nous recevoir. Et dites-moi, quels sont les moyens de transport pour accéder à Moncul? Oh, il y en a très peu. Pardon? Voiture personnelle, taxi, ouais. Une fois de temps en temps un autobus. Oui, ah ben voilà. Oui, mais alors où est-ce qu'on s'arrête? Parce que j'ai pas vu l'arrêt de Moncul. Extrait du Petit Rapporteur de Daniel Prévost en janvier 1976. On trouve vraiment des lieux au nom évocateur en France. Daniel Prévost en avait fait ce reportage devenu bien célèbre aujourd'hui. C'est un parcours plus poétique que vous avez eu envie de réaliser, Olivier Lemire. Vous n'êtes pas passé par mon cul. Oui, cela dit, ça devait arriver une fois qu'une radio passe un extrait. C'est ce que vous m'avez dit. Ça y est, dit. C'est fait. C'est ce que vous m'avez dit. Vous dites, ah, bah, forcément, ça devait me tomber dessus. D'ailleurs, normalement, on devrait dire mon cuc. Voilà, en plus. Mais ça aurait été beaucoup moins drôle pour le reportage de Prévost. Comment vous avez choisi ces noms par lesquels vous aviez envie de passer? Comme je vous le disais tout à l'heure, le premier pour moi était une évidence. Marcher entre la vie et la mort, c'était la moindre des choses. Après, j'ai marché vers l'amour, entre la haine et l'amour. La haine est une petite rivière belge et l'amour est un lieu-dit du centre de la France. Ça me paraissait nécessaire également. Le problème, c'est de trouver le temps et l'énergie pour faire tous ces voyages. Parce que parfois, il se trouve à des distances assez lointaines. Il y a quand même 600 kilomètres entre la haine et l'amour. Au début, je traçais des lignes droites, alors c'était assez rapide. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit sur le chemin, vous savez, la vie, c'est pas franchement une ligne droite. Alors du coup, j'ai commencé à faire des itinéraires un peu plus tortueux. Et pour marcher vers le bonheur, franchement, j'ai mis 2 mois et demi pour trouver le bonheur. Ouais. Ça se trouve pas sous le pied. Là, et alors, le désespoir et l'espérance sont finalement assez proches. Alors oui, 250 km entre le désespoir et l'espoir, 300 km entre l'ombre et la lumière. Alors attention, entre le désespoir et l'espoir, par exemple, bon, là c'est pas compliqué, il y a qu'un seul désespoir, c'est dans la Vienne, et il y en a 2 dans le Maine-et-Loire. Par contre, si vous voulez marcher entre la haine et l'amour, vous pouvez choisir plusieurs destinations. La haine, il n'y en a qu'une, hein, c'est une rivière belge. L'amour, il y en a plusieurs en France. Maintenant, il faut qu'il y ait un panneau, sinon c'est pas drôle. Alors, il y a plus de noms, quand vous avez cherché un peu, il y a plus de noms à consonance positive ou à consonance négative? Personnellement, j'ai une petite fascination pour les endroits à consonance négative. J'étais fasciné par des endroits qui s'appellent le malheur ou l'inquiétude, voilà. Mais c'est vrai que oui, ça me fait pas le même effet quand j'arrive à l'inquiétude ou à la gaieté. Ouais. Je saurais pas vous dire pourquoi. L'inquiétude, ça se trouve où? Dans le Gers, à côté de Condom, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle d'ailleurs. Donc c'est marrant parce que il y a énormément de marcheurs qui passent devant l'inquiétude. En général, ils voient même pas le panneau. Il y a une maison, il y a une exploitation de melons, et ça s'arrête là. Hein. Et moi, évidemment, j'étais fasciné par le panneau et je voulais absolument rencontrer la dame ou le monsieur qui tous les jours gare sa voiture sur le parking de l'inquiétude. Alors vos rencontres à chaque fois, hein, effectivement, toutes ces marches et ces quêtes vers des lieux dit peu connu, à chaque fois ce sont l'occasion de rencontre avec les habitants. On va en avoir un petit aperçu avec cette dame qui donc vit quelque part entre les lieux dits la vie et la mort. Selon vous, que signifie l'expression faire son chemin? Alors, selon moi, faire son chemin, c'est essayer d'être soi-même tout au long de sa vie, même si on se trompe parfois, etc. C'est au moins avoir la satisfaction à la fin de sa vie, si on peut dire, d'avoir abouti à quelque chose qui était selon son idéal. On dit que la mort est au bout du chemin, qu'en pensez-vous? Ça, c'est certain. Enfin, tout dépend de ce que vous croyez, etc. C'est sûr que la mort est au bout du chemin de tout le monde. Et si je vous dis que vous êtes entre la vie et la mort, ça vous fait quoi? Ben ça, je le sais que je suis entre la vie et la mort. Ça, je le sais. À plus ou moins brève échéance, comme tout le monde, hein. Mais tout le monde aussi marche entre la vie et la mort, c'est ça. Même s'il n'y a pas des buts fixés entre un village et un autre. ça permet, mine de rien, d'aborder des questions assez personnelles, hein, ces noms de lieux-dits. D'ailleurs, quand on l'écoute, ça fait vraiment philosopher. On est en plein dans la métaphore. Ce qui m'intéresse, effectivement, c'est le parallèle entre, par exemple, prenons ce cas-là, entre la vie et la mort, la ligne droite que j'avais tracée entre la Creuse et le Doubs, et le fait qu'effectivement, cette dame, comme tout le monde, est entre la vie et la mort. Donc, sauf qu'elle, elle y est deux fois. Parfois, les étapes étaient longues. Est-ce que des fois, vous vous êtes dit, non, là, le jeu n'en vaut pas la chandelle, je rentre chez moi? Vous savez, le corps a ses raisons. Il a ses cycles également. En général, à la cinquième semaine, je décroche. Quand j'ai marché vers le bonheur, par exemple, c'était 2 mois et demi de marche à pied, donc en partant de plaisir, je rappelle, en banlieue parisienne, en passant par toutes sortes d'endroits dont le nom faisait sens par rapport à la quête du bonheur. La foi, le rêve, la jouissance, la beauté, ouais, la conscience, etc. C'est tout un parcours après. C'est tout un parcours, oui, ouais. Je réalise les parcours en fonction des thématiques qui m'intéressent. Je suis tombé en panne à peu près à mi-chemin, mais c'est pas la première fois, hein. Ça m'arrive régulièrement de tomber en panne. Alors qu'est-ce que vous appelez tomber en panne? Parce que vous êtes à pied ou à vélo? Alors vous reposez, qu'est-ce que vous faites? Il y a qu'une chose à faire, c'est de trouver une bonne chambre d'hôte, de se mettre au chaud, de boire un petit peu de vin blanc au comptoir du bistrot le plus proche, et le lendemain matin, comme par miracle, vous êtes à nouveau en route. Bon, je dois te laisser, je t'enverrai une carte postale. Merci à Anne-Cécile Perrin qui a réalisé cette émission. Lundi, nous irons observer les chauves-souris et à 17h, le musicien-compositeur Tilassine nous emmènera aux sources de son inspiration en Argentine et à bord du Transsibérien. Bon week-end et à lundi pour de nouvelles aventures.